Chapitre 4. Florestan de Saint-Hérem avait prononcé ces mots « Je suis ruiné » avec tant de bonhomie et d'insouciance que Mme Zumalov le regarda d'un air stupéfait. Elle ne pouvait croire à ce qu'elle entendait. Aussi reprit-elle « Comment, monsieur, vous êtes ?»« Ruiné, madame, complètement ruiné. Mon Dieu, mon compte est fort simple. Il y a 5 ans, mon saint homme d'oncle m'a laissé 5 millions environ. Je les ai dépensés, plus à peu près 1 800 000 francs que je dois. Ils seront payés et au-delà par la vente de cet hôtel, de son mobilier, argenterie, etc. Et il me restera 100 000 francs avec lesquels j'irai vivre dans quelques riantes retraites de roi. Je me ferai berger, contraste charmant, surtout en me rappelant mon existence passée. Quel rêve merveilleux, impossible, changé en réalité pour moi, pour mes amis, pour mes maîtresses, que mon tourbillon doré emportait à ma suite. Quelle renommée que la mienne! Comme tout ce qui était beau, élégant, somptueux, recherché, venait se fondre dans mon orbite éblouissante. Croiriez-vous, madame, que ma réputation de libéralité était devenue européenne? Que dis-je? Un lapidaire de Chandernagor ne m'a-t-il pas envoyé un sabre indien, dont la poignée ruisselait de pierre? À cette arme était joint ce billet d'un laconisme héroïque. Le cimetière appartenait à Tipo Saeb. Il doit appartenir à M. Saint-Hérem. Cette arme vaut 25 000 francs, payable à la maison Rothschild à Paris. Reçu 25 000 francs. Oui, madame, c'était ainsi. Les objets d'art les plus rares, les plus précieux, m'étaient naïvement adressés de tous les coins du monde. Les plus beaux chevaux d'Angleterre venaient d'eux-mêmes se placer dans mes écuries. Les vins les plus exquis du globe affluaient à ma cave. Les plus illustres cuisiniers se disputaient la gloire de me servir, et le célèbre docteur Gasterini... Le connaissez-vous, madame ? Qui n'a pas entendu parler du plus fameux gourmand du monde connu ? Eh bien, madame, ce grand homme a dit et proclamé qu'il avait aussi bien dîné chez moi que chez lui. Et il n'accordait pas même cette louange à la table de M. de Talleyrand. Ah, madame, la belle vie, si complète, si grande, et les femmes, ah, les femmes. Monsieur, ne craignez rien, madame, je ne vous parlerai des femmes que comme objet d'art. Mais franchement, est-il de plus charmant prétexte à la magnificence ? C'est si joli à parer, à orner, à entourer de tous les produits des arts. Le luxe n'est que l'accessoire de la femme. Aussi, madame, croyez-moi, j'ai la conscience de m'être généreusement, noblement, intelligemment ruiné. Je n'ai à me reprocher ni une sotte dépense, ni une méchante action. C'est l'esprit rempli de souvenirs délicieux, le cœur plein de sérénité, que je vois s'envoler ma fortune. L'accent de Saint-Hérem était si sincère, la vérité de ses sentiments et de ses paroles se lisait en caractère si visible sur sa loyale et charmante figure, que Madame Zumalov, convaincue de la réalité de ce qu'il disait, reprit « En vérité, monsieur, une pareille philosophie me confond. À l'heure de renoncer à une vie pareille, pas un mot d'amertume de votre part. De l'amertume, moi, après tant de joie, tant de bonheur savouré, madame, ce serait blasphémé. Ainsi vous abandonnerez sans un regret, sans un soupir, ce palais enchanté, et cela au moment même où vous alliez en jouir. Que voulez-vous, madame? Je ne me croyais pas si avancé dans ma ruine. Il n'y a guère que 8 jours que mon fripon d'intendant m'a montré mes comptes, et, vous le voyez, madame, je m'exécute franchement. Et d'ailleurs, en quittant ce palais créé avec tant d'amour, je suis comme le poète qui a écrit le dernier vers de son poème, comme le peintre qui a donné la dernière touche à son tableau. Après quoi, il leur reste l'impérissable gloire d'avoir créé un chef-d'œuvre. Il en est ainsi de moi, madame. Excusez ma vanité d'artiste. Ce palais restera comme un monument d'art et de magnificence. Il sera toujours le temple du luxe, des fêtes, des plaisirs. Et que dis-je, madame? Voyez combien je suis prédestiné, combien je serais ingrat de me plaindre du sort. C'est vous, madame, vous, quelle être la divinité de ce temple, car n'est-ce pas? Vous achèterez cette maison, elle vous ira si bien. Ne laissez pas échapper cette occasion, car j'ignore si M. de Riencourt vous a dit cela, mais il sait que Lord Wilmot me fait des offres très pressantes. Or, je serais désolé d'être forcé de traiter avec lui. Il est si laid, et sa femme aussi, et ses 5 filles aussi. Jugez un peu quelle divinité pour ce temple splendide qui semble vraiment bâti pour vous. Voyons, madame, gardez-le pour l'amour de l'art que vous appréciez si bien. Seulement une grâce. Laissez dans le grand salon le portrait de mon digne oncle. C'est une peinture magnifique, et quoique le portrait et le nom de Saint Ramon se trouve répété plusieurs fois en médaillon sculpté dans divers endroits de la façade de l'hôtel, je serais ravi de penser que, du haut de son monument de marbre, situé au centre des salons de l'hôtel, ce brave oncle assistera pendant des siècles au plaisir dont il s'est privé durant sa vie. L'entretien de la comtesse et de Saint-Hérem fut interrompu par M. de Riencourt. On avait, en causant, fait le tour des appartements de réception. Le duc dit à Florestan « Mon cher, tout ceci est superbe et entendu à merveille. Mais 1800 000 francs, mobilier argenterie compris, bien entendu, c'est un prix exorbitant. » « Je suis complètement désintéressé dans la question, mon cher duc, » reprit Florestan en souriant. « Ces 1 800 000 francs doivent appartenir à mes créanciers. Aussi serais-je horriblement tenace pour les conditions. D'ailleurs, je vous l'ai dit, Lord Wilmot m'offre cette somme et me presse d'accepter. »« Soit, mais vous ferez bien en ma faveur, mon cher, ce que vous refuseriez à Lord Wilmot. Voyons, Saint-Hérem, ne soyez pas inflexible. Accordez-moi une diminution et... Monsieur, » dit la comtesse de Maloff à Florestan, en interrompant le duc. « Monsieur de Riencourt voudra bien me permettre d'aller sur ses brisées, car je prends cet hôtel aux conditions que vous avez proposées, monsieur. Si cela vous convient, je vous donne ma parole et je vous demande la vôtre. »« Vive Dieu, madame, mon étoile ne m'abandonne jamais, » dit Florestan, en tendant cordialement la main à madame de Maloff. « Cette affaire conclue. »« Mais, madame, » dit vivement monsieur de Riencourt, très surpris et très contrarié de la facilité de sa future femme, car il avait espéré obtenir de Saint-Hérem une réduction de prix. « Mais, madame, permettez, il s'agit d'un immeuble d'un prix considérable. Il est impossible qu'au terme où nous en sommes, vous vous engagiez ainsi sans mon autorisation. De grâce, attendez que nous soyons mariés, et alors... »« Monsieur de Saint-Hérem, vous avez ma parole, » dit madame Zomaloff en interrompant le duc. « Je fais de cette acquisition une affaire personnelle. Demain, si vous le permettez, mon intendant ira s'entendre avec le vôtre. »« C'est convenu, madame, » dit Saint-Hérem. Puis il ajouta gaiement, en s'adressant à M. de Riencourt. « J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mon cher duc, mais c'est votre faute. Il fallait vous montrer grand seigneur et ne pas marchander comme un banquier. » À ce moment, l'orchestre, qui avait cessé de se faire entendre pendant un quart d'heure, donna le signal d'une nouvelle contredanse. « Pardon si je vous quitte, madame la comtesse, » dit Saint-Hérem à madame Zomaloff, « mais j'ai invité pour cette contredanse la charmante fille d'un de mes meilleurs ouvriers qui ait travaillé à cet hôtel, ou plutôt, madame, à votre hôtel. Je suis heureux d'emporter, du moins, cette pensée en vous quittant. » Et Saint-Hérem, saluant respectueusement madame Zomaloff, alla rejoindre une charmante jeune fille qu'il avait engagée, et le bal continua. « Ma chère Fedora, » dit la princesse, qui avait remarqué avec une soucieuse impatience le long entretien de sa nièce et de Saint-Hérem, « il se fait tard, et vous avez promis à madame l'ambassadrice de Sardaigne d'arriver chez elle de bonne heure. »« Permettez-moi de vous le faire observer, madame, » dit à son tour M. de Riencourt en s'adressant à sa future, « vous avez été un peu trop vite en affaires. Saint-Hérem est obligé de vendre cet hôtel pour payer ses dettes, et avec un peu de persévérance, nous aurions pu obtenir un rabais de 50 000 écus au moins. » Surtout si vous aviez insisté vous-même. Il est de ces choses qu'il est si difficile de refuser à une jolie femme, » ajouta M. de Riencourt avec le plus aimable sourire. « Fedora, à quoi pensez-vous donc, ma chère ?» reprit la princesse en touchant légèrement le bras de la jeune femme qui, accoudée à une console dorée chargée de fleurs, rêvait profondément et n'avait pas entendu un seul mot de ce que sa tante et le duc lui avaient dit. « Fedora, » reprit la princesse en attirant enfin l'attention de sa nièce. « Encore une fois, à quoi pensez-vous donc ?»« Je pense à M. de Saint-Hérem, » dit la jeune femme, en sortant comme à regret de sa rêverie. « Tout ce qui s'est passé ici est tellement bizarre. »« Entre nous, comtesse, » dit M. de Riencourt d'un air sentencieux, « je crois que le désespoir de se voir ruiné aura détraqué le cerveau de ce pauvre Saint-Hérem. Il faut être timbré pour imaginer une pareille fête. » Inaugurer son hôtel par un bal d'artisans, ça sent le socialisme d'une lieue. « Ce cher duc a raison, c'est d'un ridicule achevé, » reprit la princesse. « Quelle amusante nouvelle nous allons apporter ce soir à l'ambassade. Ce bal d'ouvrier fera merveille, on en rira fort. Mais, Fedora, vous ne répondez rien. Qu'avez-vous donc ?»« Je ne sais, » dit la jeune femme. « Ce que j'éprouve est fort singulier. »« Vous avez besoin d'air, sans doute, ma chère comtesse, » dit M. de Riencourt avec empressement. « Cela ne m'étonne point. Cette agglomération de populaire est étouffante, et quoique les appartements soient très vastes. Fedora, dit la princesse avec une inquiétude croissante, est-ce que vous vous sentez indisposée ? Non, certes. L'émotion que j'éprouve est au contraire remplie de douceur et de charme. Aussi, je ne sais en vérité, mon cher duc, comment exprimer... Comtesse, expliquez-vous, de grâce, dit M. Doriancourt. Peut-être la forte odeur de ces fleurs vous cause-t-elle un de ces malaises qui ont une sorte d'agrément ? Non, ce n'est pas cela. J'hésite à tout vous dire. Vous et ma tante, vous allez me trouver si étrange, si extravagante. Ah, comtesse, dit galamment M. Doriancourt. Extravagante, vous ? Fedora, dit la princesse, expliquez-vous donc. Je le veux bien, mais vous allez être fort surpris, ajouta la jeune veuve d'un air confidentiel et coquet. Puis, se tournant vers M. Doriancourt, elle lui dit à mi-voix, « Il me semble, il vous semble, chère comtesse, que... achevez, de grâce, que je meure d'envie d'épouser M. de Saint-Hérem. » « Madame !» s'écria le duc, stupéfait et devenant cramoisi. « Madame !»« Qu'est-il donc, cher duc ?» demanda vivement la princesse. « Comme vous êtes rouge ?»« Madame la comtesse, » reprit M. Doriancourt en souriant d'un air forcé, « la plaisanterie est un peu vive et... »« Allons, donnez-moi votre bras, mon cher duc, » reprit Mme Zomaloff de l'air le plus naturel du monde, « et faites demander vos gens car il est tard. » Nous devrions déjà être à l'ambassade. C'est votre faute aussi. Comment, vous, l'exactitude en personne, ne m'avez-vous pas sonné 11 heures depuis longtemps ? Ah, madame, je n'ai pas envie de rire, dit le duc d'un ton sentimental et pénétré. Quel mal m'a fait votre cruelle plaisanterie de tout à l'heure ? J'en ai le cœur navré. Mon pauvre monsieur Doriancourt, je ne vous savais pas le cœur si vulnérable. « Madame, ce soupçon m'afflige. Vous êtes bien injuste, moi qui sacrifierais ma vie pour vous. Vraiment. » Pour unique réponse, le duc leva les yeux au ciel et poussa un long soupir. « Allons, mon cher duc, » reprit la jeune femme en souriant. « Si j'avais quelque chose à vous demander, ce ne serait pas un sacrifice si héroïque. » La voiture de M. Doriancourt était arrivée au bas du perron. Mme Zomaloff, sa tante et le duc quittèrent l'hôtel Saint-Ramon. Presque au même instant, le vieux mulâtre abandonnait aussi cette opulente demeure, ébloui, confondu de ce qu'il venait de voir, d'entendre, et songeant toujours aux bénédictions dont le nom de Saint-Ramon était comblé par les invités de cette fête singulière. 11 heures et demie sonnaient alors dans le lointain à l'église de Chaillot. « 11 heures et demie, se dit le vieillard, « j'ai le temps d'arriver pour minuit. Ah, que vais-je apprendre? Quelle angoisse est la mienne !» Et le vieillard commença de gravir lentement les hauteurs qui, du bord de la Seine, s'étagent jusqu'à la rue de Chaillot.